France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Michel Bouju et Jarnac. Michel Bouju est la poésie, Michel Bouju est la critique, Michel Bouju est la télévision, Michel Bouju est la littérature et le jazz. Et puis la guerre d'Algérie ou la désertion, et Bouju et la radio, la bande dessinée, les essais, etc., etc. Mais avant tout, Michel Bouju et le cinéma. En 1984, Michel Bouju, dans les Mardis du cinéma, avait fait partager sur France Culture son amour pour l'œuvre très brève de Jean Vigo, créateur, à jamais jeune créateur, Jean Vigo dont tout le monde connaît, mais le nom, l'œuvre, sans avoir nécessairement vu, cela dit, l'Atalante ou Zéro de conduite, ou plus chronologiquement, Zéro de conduite et l'Atalante. Un metteur en scène subversif, des films de génie, mais pas construits comme les films du commerce, dira l'un des invités de Michel Bouju. Première diffusion sur France Culture, le 23 octobre 1984. Un chaland passe. À bord de l'Atalante, le moteur cogne à l'unisson des cœurs mal accordés. Mais au crépuscule, un trop-plein d'amour s'échappe et monte vers le ciel. Secret de Jean Vigo. Une émission de Michel Bouju. Paris le 24 avril 1905, y est mort le 5 octobre 1934. Entre ces deux dates, à peine plus de 29 ans d'une vie fiévreuse et difficile, conditionnée par quelques éléments bien précis, où ce qui fut dramatique l'emporte sur ce qui fut heureux, mais moins peut-être qu'on ne le croit. La vénération du père mort, une enfance recluse, la maladie, l'amour d'une femme et le goût du cinéma, s'il est permis de réduire à ce schéma ce qui fut une vie, on fait Jean Vigo. Jean Vigo est l'auteur de deux films essentiels, Zéro de conduite et l'Atalante, et de deux courts-métrages. Au total, moins de 4 heures de projection. Et pourtant, 50 ans après, l'œuvre du météore Jean Vigo illumine toujours le cinéma français grâce à sa jeunesse inaltérable. L'amour, l'humour, la révolte, voilà ce qui donnait des ailes au film de Vigo. Témoigne de sa vie et de son œuvre, l'acteur Jean Dasté et le parolier Charles Goldblatt, mais aussi les musiques de Maurice Jaubert et les commentaires de Pierre Lherminier. Ces films ont gardé une jeunesse extraordinaire. C'est, je crois, tout ce que peut comporter l'idée de jeunesse lorsqu'on parle d'un créateur. qui apparaît à travers ses films. Pierre Lherminier. Bon, je crois tout simplement que Vigo a eu, à l'égard du cinéma, une attitude qui était faite d'une fraîcheur d'esprit, d'une liberté dans la démarche, à la limite presque d'une ingénuité, si vous voulez, dans la manière d'empoigner le cinéma et de s'en servir pour exprimer ce qu'il avait à dire, qui transparaît dans ce que sont effectivement ses films. Bon, c'était, rappelons, il faut le situer, c'est le début des années 30, c'est-à-dire donc en même temps les débuts du cinéma parlant, avec tout ce que ça suppose au niveau de... Enfin, une petite révolution finalement dans les structures ou dans le comportement même des cinéastes. Et il faut penser aussi au contexte qui lui est propre, le contexte de sa propre vie. Contexte dramatique de son enfance, de sa jeunesse et même de l'âge adulte, puisque c'est un homme malade qui va mourir très jeune, et que c'est à travers cet ensemble de circonstances professionnelles et personnelles qui va malgré tout faire ces films-là. 1929, à propos de Nice, court-métrage. 1931, Taris ou la natation, court-métrage de commande sur le champion de natation Jean Taris. 1933, Zéro de conduite. 1934, La Talente. Est-ce qu'il y a une première image que vous avez gardée de Vigo? T'as vu, c'est difficile de dire ça. Jean d'Asté. Mais l'image que j'ai de lui, c'est d'un être qui avait un œil plein de jeu, plein d'amitié, plein d'envie de blaguer. Quand on se rencontrait, il avait toujours une histoire drôle à me raconter. Quand on rentrait le soir, il s'amusait à téléphoner à Cécile Sorel ou autre. Mais vous dire que le souvenir que j'ai, c'est pas comme d'un monsieur important qu'on voit dans son bureau qui prend un air grave. Et quand on s'est rencontrés, on a rigolé, puis c'est tout. Et c'était un ami merveilleusement vivant. Et surtout, c'était comme un enfant. Il avait gardé un esprit de blague, de jeu, de contraire à tout ce qu'on peut imaginer de conventionnel. Il ne se fabriquait pas un personnage de metteur en scène. Il était blagueur. Il se moquait. Et en même temps, il était d'une grande chaleur et d'un grand... Il s'amusait, quoi. On faisait des farces tout le temps. Pour moi, cette période, c'était une période où je retrouvais un petit peu avec lui les jeux de l'enfance. Et pourtant, ça a été très dur de tourner ça. Les conditions étaient dures. Mais... Comment est-ce que vous l'aviez connu? Je l'ai connu grâce à Charles Goldblatt. Oui, c'est moi qui l'ai présenté à Vigo. Et Vigo savait que je connaissais Albert Hiera. Vous n'avez pas connu Hiera à la radio ni à la... Vous savez qu'il a fait beaucoup de mise en scène à la télé. Hein. Il était peintre aussi, vous savez. Ça, il y a une petite toile là-bas, très jolie, de Hiera. Charles Goldblatt, qui... Exactement comment ça... Dans quelles conditions Charles Goldblatt est venu me trouver. En tout cas, Vigo cherchait un gars pour jouer le professeur Huguet. Et je connaissais Hiera, l'assistant de Vigo, qui a été l'assistant de Vigo, et je connaissais, j'étais très ami, j'ai toujours été ami avec Charles Goldblatt, et un jour, ils sont venus me trouver pour me demander si je voulais. Moi, j'étais absolument sans boulot et en chômage, et j'étais ravi. Charles Goldblatt. Eh bien, à l'époque, je sortais du service militaire, et donc j'avais fait du théâtre, où j'avais été élève de Copeau, et je cherchais du travail, et j'avais un ami que j'avais connu au Vieux-Colombier, qui s'appelait Pierre Loiselet. Je ne sais pas si vous avez connu de nom, c'était le rédacteur en chef de Ce Soir. Vous savez, c'est un journal de la Zurich. Et il m'a dit, ben viens, je te ferai faire quelques petits articles. Et un jour, il m'a dit, tu vas aller à une séance de cinéma qui est donnée par le fils d'Almerida. Je connaissais Almerida de nom. Et c'est Jean Vigo. Je connaissais pas du tout de nom Jean Vigo. Et je suis allé voir à propos de Nice. C'est là où il a fait la conférence pour un cinéma social, vous savez, au Vieux-Colombier. Alors après, je voulais l'interviewer pour pouvoir faire un article qui est un petit peu de poids. Et j'ai rencontré une dame qui se baladait après la séance. Enfin. Et on m'a dit, c'est Madame Vigo, si vous voulez lui demander. Alors j'ai été voir Madame Vigo. Et je lui ai dit que je voulais lui interviewer son mari. Alors j'étais le premier qui l'interviewait. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Très jeune, très très jeune. Et enfin, très, très chaleureux aussi. Et beaucoup d'humour aussi. Il avait, je crois qu'il avait un an de plus que moi, ou peut-être deux ans, je crois. Oui, il devait avoir, à propos de Nice, je crois qu'il avait 22 ans ou 23 ans, je crois. Je ne me souviens plus exactement des dates. 1929, à propos de Nice, court-métrage. Une sorte de carnet de notes et de portrait irrévérencieux et blagueur d'une ville. Première présentation, mercredi 28 mai 1930, au Théâtre du Vieux Colombier à Paris. Dans chacun de ses films, Vigo, que cela soit ou non apparent au premier regard, nous parle de lui-même et de ce qu'il connaît. Propos de Nice, c'est un point de vue documenté, une sorte de carnet de notes et en même temps de journal intime fragmentaire sur une ville qu'il parcourt alors quotidiennement, où il vit, et qui est l'une des occasions habituelles de ses réflexions. Il nous donne un portrait de Nice qui est du même coup un portrait de lui-même, ou plutôt son esquisse, dans la mesure où s'y révèle moins un caractère qu'une attitude critique, accusatrice, irrévérencieuse, ironique, blagueuse, une manière de voir parfois cruelle et parfois attendrie ou amusée. Extrait de la présentation de « À propos de Nice » par Jean Vigo, 14 juin 1931. Il ne s'agit pas aujourd'hui de révéler le cinéma social, mais de s'efforcer d'éveiller en vous le besoin latent de voir plus souvent de bons films traitant de la société et de ses rapports avec les individus et les choses. Se diriger vers le cinéma social, ce serait consentir à exploiter une mine de sujets que l'actualité viendrait sans cesse renouveler. Ce serait se libérer des deux paires de lèvres qui mettent 3000 mètres à s'unir et presque autant à se décoller. Ce serait éviter la subtilité trop artiste d'un cinéma pur et la supervision d'un super nombril vu sous un angle, encore un autre angle, toujours un autre angle, un super angle, la technique pour la technique. Au reste, le cinéma est régi par la loi des forains. Se diriger vers le cinéma social, ce serait consentir simplement à dire quelque chose et à éveiller d'autres échos que les héros de ces messieurs-dames qui viennent au cinéma pour digérer. Se diriger vers un cinéma social, c'est donc assurer le cinéma tout court d'un sujet qui provoque l'intérêt, d'un sujet qui mange de la viande. Mais je désirerais vous entretenir d'un cinéma social plus défini, et dont je suis plus près, du documentaire social, ou plus exactement, du point de vue documenté. Point de vue documenté ? Le point de vue documenté, c'est le document, donc c'est un regard sur la réalité. En connaissance de cause. En connaissance de cause, mais un regard... qui n'est pas le regard de n'importe qui est le regard d'un certain individu, qui est le regard d'un artiste, car la notion d'art intervenait, qui donc ne déforme pas, n'interprète pas, je n'aime pas le mot interpréter, qui n'interprète pas la réalité, mais qui la montre à travers forcément une vision qui lui est personnelle. C'est un documentaire honnête, si vous voulez. Qui ne prétend pas être une reproduction de la réalité, car choisir des images, c'est déjà de toute façon interpréter cette réalité. C'est avouer franchement qu'on montre une certaine réalité, mais qu'en même temps, on la montre à travers une vision à soi. Dans ce domaine à prospecter, j'affirme que l'appareil de prise de vue est roi, ou tout au moins président de la République. Je ne sais si le résultat sera une œuvre d'art, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il sera du cinéma. Du cinéma, en ce sens qu'aucun art, aucune science ne peut remplir son office. Le monsieur qui fait du documentaire social est ce type assez mince pour se glisser dans le trou d'une serrure roumaine et capable de tourner au saut du lit le prince Carole en liquette, en admettant que ce soit spectacle digne d'intérêt. Le monsieur qui fait du documentaire social est ce bonhomme suffisamment petit pour se poster sous la chaise du croupier, grand dieu du casino de Monte-Carlo, ce qui, vous pouvez me croire, n'est pas chose facile. Et le but sera atteint si l'on parvient à révéler la raison cachée d'un geste, à extraire d'une personne banale et de hasard sa beauté intérieure ou sa caricature, si l'on parvient à révéler l'esprit d'une collectivité d'après une de ses manifestations purement physiques. Et cela avec une force telle que désormais le monde, qu'autrefois nous côtoyons avec indifférence, s'offre à nous malgré lui, au-delà de ses apparences. ce documentaire social devra nous dessiler les yeux. Extrait de la présentation de À propos de Nice par Jean Vigo, 14 juin 1931. 1933, Zéro de conduite, premier long métrage de Vigo. Monsieur le principal, les enfants se sont enfermés dans le grenier. C'est étonnant, on n'a jamais vu ça. Monsieur le préfet, quelle fête! Ah, seigneur, quelle fête! Monsieur le préfet vient de s'asseoir, il est assis. Allons-y, allons-y. C'est très grave. Zéro de conduite. Est-ce qu'il vous a dit quel avait été le point de départ de Zéro de conduite? Ah bah vous, on le sait, tout oui, monde on le sait. C'est son enfance le collège à lui. De, oui, son enfance à Montpellier, oui. À Millau. Ah oui, à Millau, c'est ça, oui. À Millau et puis à Chartres ensuite, oui, hein, je crois. Oui, oui. Qui avait c'est pas à Montpellier? Je ne crois pas, non. Ah bon? On bon. Parle toujours du collège de Millau. Ah oui, du collège, oui, oui, oui. Donc il avait largement oui. puisé dans, oui, dans ses ça. Souvenirs Mais de collégien. Ce qui est étonnant dans le personnage, c'est que... Vous savez qu'il était le fils d'Almereda, qu'Almereda avait été condamné, qu'Almereda... Était mort en prison. Était mort en prison, pendu. Assassiné même, presque en prison, enfin. Oui, ça je connaissais l'histoire d'Almereda. Et on l'avait pendu, il savait même, il m'a dit qu'il savait... Eh bien, il avait... Il savait, il vous a dit quoi? Il m'a dit qu'il connaissait le policier qu'il avait pendu, il me l'a dit. Qu'il avait tué. Enfin, lui avait l'impression qu'il avait été étranglé en prison. Il n'y a jamais eu de preuves. Enfin, connaissant Almereda comme les amis l'ont connu, que j'ai connu après, les amis de Jean, c'était presque impossible qu'il se soit suicidé. Oui. Oui, oui. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé réellement, mais effectivement, Almereda est mort en prison 48 heures, je crois, après son arrestation. Dans des conditions donc, qui ont paru tellement surprenantes et suspectes que le doute n'a jamais été levé et que beaucoup de gens à l'époque ont affirmé qu'il avait été assassiné sur ordre, est-on même allé jusqu'à dire, sur l'ordre de Clémenceau, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, je crois, et qui aurait craint que Almereda ne révèle un certain nombre de choses qui pouvaient ne pas lui plaire. Ces 12 premières années, Jean Vigo les passe dans l'ambiance extravagante que créent autour d'eux les anarchistes d'avant 1914, parmi lesquels son père, Miguel Almereda, n'est pas le moins remuant. Francis Jourdain, qui en a été pour nous le principal témoin, a décrit dans des souvenirs souvent cités ce que fut cette ambiance. On y voit Jean Vigo, au temps des biberons, participer en piaillant aux meetings et aux réunions clandestines où ses parents, l'un suivant l'autre, l'emmènent avec eux. Quelques années plus tard, on le retrouve au parloir de la prison de la Santé, rendant visite avec sa mère à Almereda, détenu pour quelque action terroriste ou quelque délit d'opinion. Il a 12 ans, en août 1917, lorsque son père, accusé de trahison et d'obscur trafic en pleine guerre, meurt étranglé dans sa cellule de la prison de Fresnes. Mort volontaire d'un homme malade et vaincu, meurtre organisé d'un témoin compromettant, le mystère reste entier. L'important ici est ce que cette mort va représenter pour un enfant qu'elle laisse seul et libre désormais de reconstruire en esprit à sa guise l'image idéale d'un père doué de toutes les séductions de la beauté et de l'intelligence et victime innocente d'un affreux monde bourgeois. Son père, il vous en parlait souvent ? Oui, il m'a raconté la mort de Jaurès, par exemple. Il était avec son père, justement, au restaurant du Croissant, quand Jaurès a été assassiné. Lui, c'était un enfant à l'époque. Et on a mis Jaurès sur la banquette du restaurant du Croissant. La tête de Jaurès l'a touché presque, vous savez. C'était un des premiers souvenirs de sa prime jeunesse. Oui, il m'en parlait, mais comme ça. Puis je vous dis, dans ses recherches qu'il faisait toujours pour trouver le coupable, enfin, vraiment, où les raisons exactes. Une enquête, en quelque sorte. Une enquête, oui. Ça le poursuivait beaucoup. Il avait, à l'époque, Jean Vigo avait 12 ans. Alors, avec tout ce qu'on peut imaginer autour, tout le remue-ménage qui s'est créé autour de sa famille, autour de lui, et il était justement assez grand pour comprendre ou percevoir pas mal de choses, donc tout ça a été évidemment très, très dur, et pour longtemps. Il avait une enfance terrible, quand on parle énormément, et on a raison souvent du conditionnement, de ce que l'enfance conditionne la vie. Ben lui, ça ne l'empêchait pas d'être un être débordant de vie, débordant de jeu, et il avait un amour merveilleux avec sa femme. C'est un couple, j'ai rarement vu un couple qui s'aimait tant. C'était un amour merveilleux, c'était... Oui, c'était un couple merveilleux, enfin, merveilleux, oui. Alors, je veux dire, ce qui est étonnant, c'est que malgré cette vie terrible d'un père tué en prison, il n'était pas amer, il était... Enfin, il n'aimait pas les bourgeois, ni la convention, ni la... Rien à voir avec l'amertume, avec l'aigreur. C'est ça, voilà. Oui. Au contraire, il en avait fait une force positive. Oui, c'est ça. Laissez-moi. Montez, je ne te dis que ça. C'est pas moi, je vous dis merde. Monsieur le professeur, je vous dis merde. On ne peut peut-être pas aller quand même tout à fait jusqu'à lire l'œuvre de Vigo à travers ce drame de l'enfance. Non, je ne pense pas. Bon, ça transparaît, bien sûr, et bon, probablement... surtout dans Zéro de conduite, mais je crois que justement il était assez grand créateur pour dépasser, pour aller très au-delà du simple récit ou de sa propre histoire. Bruel, Cossa, Colin, Zéro de conduite, consigné dimanche. Oh alors, c'est une souris. 1933, Zéro de conduite. Premier long métrage de Vigo. Production, Jacques-Louis Nunez. Scénario, dialogue et réalisation, Jean Vigo. Chanson, Charles Goldblatt. Musique, Maurice Jaubert. Image, Boris Kaufmann. Tournage du 24 décembre 1932 au 22 janvier 1933. Au studio des Buttes-Chaumont, extérieur à Saint-Cloud et sur le chemin de fer de Ceinture. Première présentation privée, le 7 avril 1933. Avec Zéro de conduite, l'autobiographie sous-jacente dans À propos de Nice s'affirme sans réserve. Elle est à la fois la raison d'être du film, son explication la plus évidente et son aboutissement. À vos places. Allons vite, voyons, à vos places, quoi. Ce que nous savons du collège de Millau, à l'époque du séjour de Jean Vigo, nous encourage à voir cet établissement sous les tristes couleurs que prennent aisément dans notre imagination les lugubres collèges de province souvent décrits par les romanciers du XIXe siècle. Les murs en sont toujours obligatoirement immenses, mornes, noirs, percée de rares ouvertures étroites et grillagées. Les classes froides, sans lumière, et ne laissant voir d'autres perspectives que celles d'un pan de ciel, uniformément gris, où un oiseau n'apparaît parfois que pour rappeler aux prisonniers que la vie, simple et tranquille, est ailleurs. À vos places. Cossa et Colin, apportez-moi donc vos livres d'algèbre. Ou plutôt non. Zéro de conduite, consigné dimanche. Les meubles, bancals. Les aliments nauséabonds. Les livres, insipides. Les domestiques vulgaires et cyniques, les pions équivoques et méchants, les maîtres grotesques, ignares, aigris et sournois. Attention ! Attention ! Attention ! À moi ! À vous ! Le directeur, cupide et avare. Monsieur le surveillant général, vous aviez raison. Il faut les surveiller. Ce film est tellement ma vie de gosse que j'ai hâte de faire autre chose. La déclaration qu'il fit un jour à André Négis, au cours du tournage, demeure la providence des biographes et des critiques, qu'elle confirme suffisamment dans l'idée qu'ils peuvent se faire en confrontant le contenu du film et ce qu'ils savent de son auteur. Zéro de conduite peut ainsi se définir en peu de mots comme une sorte d'album de photos souvenirs, en même temps qu'un pamphlet documentaire sur les établissements d'enseignement privé en province avant 1920. Chanson de Zéro de conduite. Chanson de Zéro de conduite. Il y a des gars dans une école qui s'en vont chercher des grains, qui s'en vont cueillir des pains, pain d'anis, le riz à la colle, les petits pois, les grosses pommes, les petits pois, les grosses pommes. Ils ont couru vers la grande ville avec des ailes de hanneton, ils croisèrent des moucherons et ce fut la guerre civile. La guerre civile. Refrain. Nos pieds pas pour de rire, nous nous en servirons. Marcher, nous marcherons, nager, nous nagerons, voler, nous volerons, les mains, ça veut rien dire, eh bien, nous les couperons avec un grand couteau, poil au nez, poil au dos, avec un grand couteau. Leur beau drapeau dans la bataille a volé aux quatre vents, par derrière et par devant, ils ont reçu de la mitraille, des petits pois, des éléphants, des petits pois, des éléphants, les joues et les fesses pâlies. Nos braves n'ont pas rougi et les voilà repartis. Charles Goldblatt. Puis il y avait un autre, un bis là. C'était pas chanté, je crois, la dernière chose. Oui. Alors, votre première collaboration avec lui, c'était pour la chanson. Oui, de Zéro de conduite. De Zéro de conduite, oui, la chanson des enfants. Oui. Oui, parce que je. Oui, il savait que j'écrivais des vers, mais pas particulièrement des chansons. Il m'a dit, tu vas me faire la chanson de Zéro de conduite. Et à cette époque-là, il était à... Non, sa femme était à Nice, et ou à Font-Romeu. Vous savez, elle était malade. Ils sont connus du reste à Font-Romeu. Et je lui ai apporté le texte de la chanson, et ça lui plaisait beaucoup. Il l'a téléphoné à sa femme. Vous savez, à l'époque, il n'avait pas d'argent. Et elle lui a dit, mais tu vas me ruiner. Enfin, ça, c'est comme ça que j'ai fait la chanson. Zéro de conduite, c'était en studio. Oui, presque uniquement, sauf les scènes dans la rue, enfin. À Zéro de conduite, en partie, à Saint-Cloud. En très grand, mais presque tout le temps à Saint-Cloud. Quelle atmosphère, le tournage de Zéro de conduite, par exemple ? Oh, bah, très gai, mais ça, il était toujours pressé par le temps et par le fric, enfin, vraiment. Mais c'était... Enfin, assez gai, c'était... Presque, vous savez, il aimait travailler qu'avec des amis, Vigo. Ce qui est vrai, hein. Alors même les gosses, c'était des gosses de gens qui connaissaient, le fils de sa concierge. Il y a le gérant, vous savez, de son immeuble qui joue le proviseur. Il joue le proviseur, je crois. C'est extraordinaire. La concierge qui joue la mère haricot. Ça se passait presque toujours en famille. En famille. Enfin, tout au moins en bonne amitié. Des reconduites. Oui, toujours, toujours. Comment est-ce qu'il s'y prenait? Est-ce que vous avez des souvenirs précis, par exemple, de savoir comment il s'y prenait avec les enfants? C'est pas facile de faire tourner les enfants. Ah oui, là, il était tout à fait vraiment comme presque comme un petit pion, vous savez, avec les enfants, mais avec beaucoup de gentillesse. Mais il savait vraiment, il se mettait tout à fait à leur portée pour. Pas du tout comme directeur, comme on dit en américain. Directeur. Ben vous savez, Jean d'Asté. On ne peut pas dire qu'il me dirigeait, j'appelle pas ça diriger, enfin, on en parlait, et puis on parlait à l'avance de ce qu'il voulait, mais pas trop, il me laissait très libre. De temps en temps, il me disait, fais pas de théâtre, fais pas ton copeau. Il m'empêchait de tout à fait de faire du théâtre, il voulait que ce soit... Ouais, mais je veux dire que, par exemple, quand vous savez, dans Zéro de conduite, quand j'imite Charlot et que les enfants me suivent, eh ben, c'était vrai qu'on attendait tout le temps dans la cour, et puis que pour amuser les enfants, j'imitais Charlot. Alors il a voulu qu'on mette ça dans le film. Il l'a repris. Et c'est ça. Et puis, je me rappelle, il jouait au ballon avec les gosses, quoi. Il était avec eux. C'est pour ça que les gosses sont si bien. Donc ça veut dire que les personnages de Zéro de conduite en particulier n'étaient pas complètement écrits, définitifs, cernés. Oui, oui, sûrement pas. Je sais que pour avoir les enfants de Zéro de conduite, pendant plusieurs jours, il attendait les gosses à l'école et les suivait dans la rue. Il suivait les gosses dans la rue. Et puis c'était comme ça. Son scénario était très élaboré, mais... Et en même temps, il était constamment inspiré par la vie. Il voyait une chose, il entendait un son, il voyait un enfant, et ça l'inspirait. Il me disait, tiens, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, j'ai entendu tout d'un coup quelqu'un qui... Une femme qui faisait « Ouh, ouh, je vais essayer de mettre ça dans le film ». Il était... Son film était constamment inspiré par la vie. Alors, à part ça, comme il était absolument anti-conventionnel, qu'il voulait pas jouer les hommes sérieux, il est certain que entre les tournages, on faisait des blagues. Je crois que je l'ai déjà raconté, l'histoire des œufs. Là, à un moment, j'allais manger chez lui, j'avais été chercher des œufs pour faire une omelette, et puis j'avais mon beau costume, et il me casse un œuf sur le crâne. Alors moi je le poursuis et on est resté quelques jours à se cacher, essayer de se battre avec des œufs. Puis un beau jour on a dit on va arrêter, on va faire une bataille. Et puis on a pris chacun 6 œufs et on est foncé l'un sur l'autre. Mais il était comme ça, c'était constamment comme ça avec lui. En même temps évidemment quand il tournait, il était passionné de ce qu'il faisait. Et puis il était tellement... C'était tellement agréable de tourner avec lui, malgré les difficultés, malgré le temps, malgré le fait que ça traînait et que il faisait froid, etc. On pouvait pas lui refuser. Je me rappelle quand il m'a demandé, c'était au mois de décembre, il faisait très froid, il commençait à geler. C'était dans le canal Saint-Martin, il fallait que je plonge. Alors j'ai plongé, mais je veux dire, un autre metteur en scène m'aurait demandé ça, j'aurais peut-être pas marché. Mais ça n'a pas le rapport avec Vigo, mais je vous raconte simplement une petite anecdote assez rigolote. C'est, j'ai un petit-fils qui a maintenant 25 ans, mais quand il avait 5 ans, 6 ans, 5 ans, quand il est entré à l'école, c'était dans l'école où on avait tourné. Et alors, il voulait pas entrer, et alors les professeurs sont venus le prendre de force, et je l'entendais crier « sale con, sale con, sale con !» C'était dans l'école de Vigo. Donc Vigo parle de choses justement qui s'adresse à toutes les générations. Oui, mais bien sûr. Et puis, quand des enfants aujourd'hui revoient Zéro de conduite à la télévision, oui, par exemple, ça représente le même bonheur. Oui. C'est film, bon, on se moque des profs, on se moque du proviseur. On se moque du préfet, on se moque du curé, etc. Et puis, d'autant plus que... d'autant plus qu'il avait sûrement souffert dans son... Et puis que ses copains, là, Cossa, etc., il avait ses copains, là. C'était vraiment un souvenir de ce qu'il a vu, de ce qu'il a souffert étant enfant, ce qu'il a vécu au lycée. Oui. Nous attendons. Eh bien, dis-nous ce que tu veux nous dire. Dis-nous ce que tu as envie de dire, allons. Monsieur le professeur, je vous dis merde. Il faut bien dire qu'à l'époque, ces films, qui probablement étaient largement en avance sur leur temps... Pierre Lherminier. Je ne dirais pas qu'ils sont passés inaperçus, bon, ça serait faux, mais ils ont été loin d'avoir l'impact que nous imaginons aujourd'hui, avec le prestige et la célébrité qui s'attache à eux. Ils ont créé un scandale involontaire, enfin Zéro de conduite surtout, puisque... il a été interdit, tout simplement. Le 7 avril 1933, première présentation privée de Zéro de conduite. Les réactions sont mauvaises et la séance parfois même houleuse. Certains invités, comme André Gide, sont plutôt réservés. Le film, qui doit commencer sa carrière publique au cinéma Le Studio, est interdit par la commission de censure, présidée par l'auteur dramatique Edmond C. Cela sans doute sous la pression des délégués du gouvernement au sein de la commission de censure, qui se sont émus de l'aspect subversif du film. Si l'on accepte quelques projections dans des ciné-clubs, Zéro de conduite ne trouvera son public qu'en novembre 1945. Le retentissement qu'il a eu, il le doit, à l'époque, il le doit d'une part aux projections privées, donc aux présentations corporatives, comme on disait, qui avaient été faites pour la presse et pour les exploitants de cinéma, et justement au fait même de la censure qui a créé un événement supplémentaire et qui a fait qu'on a beaucoup parlé de ce film à ce moment-là. Mais très peu de gens l'ont vu. On l'a vu seulement après la guerre, à partir de 1945, puisque c'est seulement à ce moment-là qu'il a obtenu son visa de censure. Mais on peut imaginer quand même qu'en 1933, dans ces projections privées dont vous parliez, des intellectuels de l'époque ont eu l'occasion de le voir. Les surréalistes, par exemple. On imagine qu'ils n'ont pas pu passer à côté de Zéro de conduite. Non, effectivement. Ni de la Talente, d'ailleurs. Il a été effectivement très, très bien reçu par les surréalistes. De Vigo en était d'ailleurs assez proche, bien qu'il n'ait jamais, il n'en ait jamais été officiellement membre. Proche par l'esprit. Proche par l'esprit, proche par les amitiés aussi qu'il avait. Bon, Buñuel était un cinéaste qu'il admirait beaucoup, par exemple. Donc effectivement, c'est les échos que ce film a eu ont été en partie amplifiés par les surréalistes. Et pas seulement, enfin, certain que d'une manière générale dans les sphères intellectuelles, dans l'intelligentsia comme on dit, parisienne de l'époque, c'est un film qui a eu un certain retentissement, dont on a parlé, qui a été abondamment loué. Mais finalement plus par, je crois, le bouche à oreille que par la presse à ce moment-là, sauf au niveau un peu de l'anecdote de la censure. Oui, de toute façon, Zéro de conduite, ça a été censuré. Il n'y avait pas de problème. Mais ce qui est un souvenir pour moi terrible, extraordinaire, c'est l'accueil qu'il y a eu quand on l'a présenté devant les gens, devant les critiques, etc. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi conspué que ça. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que les gens criaient dans la salle. Assez, assez, c'est scandaleux, arrêtez, c'était fou. Le fait que Zéro de conduite est un film dont l'action se déroule dans un pensionnat de jeunes garçons, et que la manière dont ce pensionnat était vu par la caméra de Vigo, la manière dont il racontait la vie de ces jeunes garçons dans ce pensionnat, a paru tout à fait scandaleuse et subversive aux gens de la censure de l'époque. Ils l'ont interdit parce que ça leur semblait être une atteinte à l'honneur du corps enseignant, par exemple. C'est le genre de propos, de motif. Ça tient en une formule, quelque chose de ce genre, portant atteinte à l'honneur du corps enseignant. Enfin, ça suffisait pour que le film soit interdit. Quand le film a été interdit, c'était tellement imbécile. Ça a surpris tout le monde. Ah oui, vraiment, oui. Parce que ça nous aurait moins surpris que le film ne passe pas, parce que c'était un film de débutant, c'était un film maladroit, on peut le dire honnêtement. Enfin, vous comprenez, avec du génie, mais un film qui n'était pas construit comme un film du commerce, si on peut dire. Enfin. Mais le fait, justement, que certains aient pu trouver qu'il y avait des idées subversives là-dedans... Oui, ça nous a surpris, parce que vraiment... Il fallait aller chercher loin, hein, vraiment, craindre je ne sais quoi. Ils ont été tous très surpris, lui le premier, son producteur et tout, enfin, son entourage, de ces réactions-là. Et, bon, qu'ils aient pu craindre que d'avoir quelques problèmes, c'est possible, mais l'interdiction totale, comme ça a été le cas, c'était inimaginable. Parce que, tout simplement, je crois qu'il y avait une certaine une fraîcheur d'esprit, une ingénuité dans l'esprit de Vigo et des gens qui étaient autour de lui, qui ne pensaient pas à mal, si vous voulez, même s'il y avait ce côté donc provocateur, en partie inconscient, d'ailleurs. Et bon, c'était tout à fait surprenant. Il faut bien dire que ça nous paraît à nous aujourd'hui inimaginable qu'on ait pu justement interdire ce film, que maintenant on passe à la télévision et que tout le monde peut voir, à commencer par les enfants eux-mêmes, qu'on ait pu l'interdire à l'époque pour de tels motifs. Et c'était d'ailleurs le voir, je crois, de travers, parce que... On a réagi à ce film comme si c'était un documentaire, comme si Vigo le présentait comme un documentaire sur la vie des institutions scolaires de jeunes garçons, comme si vous voulez, ce serait aujourd'hui un reportage de télévision qui ferait scandale parce qu'on révélerait des choses qu'on s'ingénie habituellement à cacher. Bon, c'était pas ça du tout, en fait. C'est un poème, c'est un film où l'imaginaire a une part, en fait, extraordinaire. Ça n'est pas un documentaire du tout, et on l'a traité comme si c'en était un. Donc, je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne comprend plus ce type d'interdiction, parce que nous voyons mieux aujourd'hui ce qu'il a d'imaginaire, alors qu'à l'époque, les censeurs, en particulier, avaient l'ont vu au premier degré, n'ont vu que ce qu'il pouvait avoir de reflet d'une certaine réalité. Il y avait ça aussi, oui. Mais c'était si peu de choses. Lettre ouverte à Monsieur le Président de la Commission de contrôle des films par Claude Vermorel, novembre 1934. Nous venons vous prier très gentiment, Monsieur le Président, d'user de votre haute influence pour faire lever l'interdiction de Zéro de conduite de Jean Vigo. Nous ne nous faisons pas d'illusions sur la difficulté de l'entreprise, car Zéro de conduite est un film subversif. On y voit des enfants fumer dans les cabinets alors que c'est interdit, un autre demander s'il peut y aller, ce qui n'est pas vraiment convenable, le principal du collège représentant l'autorité est hélas un nain, à belle barbe noire il est vrai, mais bien qu'il le soit terriblement, on ne peut le prendre au sérieux. Il y a même un répétiteur de fantaisie qui suit les femmes dans la rue et qui va jusqu'à prendre un ecclésiastique pour une dame à cause de sa robe. On dira en effet ce qu'on voudra et qu'il ne l'a pas fait exprès et que c'est un poète. Ce ne sont pas des choses à donner en exemple à des enfants. On voit pire, Monsieur le Président. À la fin du film, un sous-préfet et un capitaine des pompiers reçoivent des boîtes de conserve et de vieux livres de classe sur leur bel uniforme de cérémonie. Si l'on se met à se moquer des sous-préfets, où allons-nous? Tout cela est intolérable, Monsieur le Président, et fort capable d'inciter des citoyens paisibles à descendre dans la rue ou à renvoyer leurs feuilles d'impôt. Déjà, des jeunes gens de très bonne famille avaient sifflé le film à sa présentation, usant ainsi, à juste raison, des droits de la critique. Mais, Monsieur le Président, Jean Vigo est mort. Il ne se moquera plus des sous-préfets, des ecclésiastiques et des principaux de collège. Donnez-nous son film. Ça Zéro de conduite, ce n'est pas seulement pour Vigo sa vie de gosse. C'est aussi ce qu'était pour lui le monde avant Lydu. Lydu, de son vrai nom Elisabeth Lozinska, et Jean Vigo se sont connus au sanatorium de Font-Romeu en 1928. Ils se marient l'année suivante à Nice. Tous leurs amis évoquent à leur propos un couple idéal. Ils s'aiment passionnément. Une petite fille, Luce, leur naîtra le 30 juin 1931. Dommage qu'on n'ait pas pu fêter la nôtre, moi j'adore ça les banquets. Oh, vous alors. Alors, on les accompagne jusqu'à la pénis. Quelle balade, pour un type qu'on connaît même pas. Et la mariée, qu'est-ce que tu dis à la belle? Zéro de conduite, ce n'est pas seulement, comme il l'a dit et comme c'est manifeste, sa vie de gosse. C'est aussi ce qu'était pour lui le monde avant Lydu. Ce film règle ses comptes avec ce monde-là, en fait le bilan et d'une certaine manière en tire la leçon. La Talente, au contraire, ce n'est pas seulement, mais c'est aussi ce qu'est devenu à ses yeux un monde où la présence et l'amour de Lydu sont venus corriger les couleurs et les perspectives. À la révolte abstraite du premier film, révolte sans cause en dépit des apparences et qui semble obéir seulement à une sorte de nécessité ontologique, succède une révolte qui n'est pas plus apaisée ou plus sereine, mais plus renseignée. L'amour alors lui offre la tentation d'une fuite d'autant plus séduisante qu'elle est en même temps un alibi, si l'on en croit la conception surréaliste, où la révolte et l'amour se confondent. On peut imaginer qu'un troisième film aurait marqué une étape nouvelle où le monde extérieur entrevu dans La Talente aurait pris sa vraie place. Mais La Talente, c'est le reflet d'un petit univers privé où Jean Vigo et Lydu, en attendant d'aller plus loin, se nourrissent d'une vérité qui est celle de leur amour. Ils n'ignorent pas qu'il en ait d'autres, et notamment que la société est mal faite et que les biens de ce monde sont injustement répartis. Mais pour l'heure, il laisse ces vérités-là de côté, en se réservant d'y revenir, car il est temps pour tout. L'amour, ce n'est pas encore pour eux regarder ensemble dans la même direction, mais se regarder l'un l'autre, à n'en plus finir, en puisant dans ce regard les forces qu'il faut pour vivre aujourd'hui et se soucier des autres demain, si demain vient. Des époques de La Talente? Oui. Non, il a travaillé un peu dans l'inquiétude. Hein, d'abord, le scénario, c'était pas un scénario qui lui plaisait. Moi, je me rappelle simplement que il a eu beaucoup de chance grâce à Nunez, le producteur. Producteur indépendant des deux longs métrages de Jean Vigo, Jacques-Louis Nunez. Oui, Nunez, oui. C'est un producteur d'une race un peu particulière. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il faisait confiance complètement à ce jeune cinéaste, oui. Charles Goldblatt. Je crois qu'il était attaché à la Gaumont aussi, il me semble bien, non? Il était indépendant. Ah oui, il était associé avec la Gaumont. Associé, c'est ça, oui, c'était un producteur indépendant. Vigo avait eu beaucoup de chance de tomber sur un homme de cette sorte. Bien sûr, surtout après l'échec de Zéro de conduite, enfin, après oui, puis même non seulement l'échec, mais... tout ce qui s'en est suivi, enfin. C'est quelqu'un que vous avez rencontré de temps en temps sur les tournages, par exemple, de Vigo, Mais bien sûr. Oui, c'était un homme très, très aimable, oui. Ce qu'on appellerait un libéral, vous voyez, vraiment, mais dans le bon sens du mot, quoi. Parce que produire un jeune cinéaste dans les années 30 qui n'a fait que deux courts-métrages, c'était très, très courageux, plutôt expérimentaux, dirait-on. Non, surtout pour La Talente. Hein. C'était très, très courageux, je vous dis, après l'échec, l'interdiction de Zéro de conduite, tout ce que Vigo traînait derrière lui pour une certaine bourgeoisie. Être le fils d'Almereda, c'était une malédiction à l'époque, hein, un peu. Il a eu beaucoup de chance que malgré l'insuccès public de Zéro de conduite, le producteur lui a fait confiance et lui a voulu lui permettre de faire un autre film. Jean Dasté. Et il lui a apporté un scénario. Un scénario qui était une histoire très, très anodine et très banale. Oui, en effet. Qui donnera naissance au film que nous connaissons sous le titre La Talente. Effectivement, ils avaient eu d'autres projets, suivi d'autres pistes, mais enfin, finalement, Nunez a voulu tout de même essayer de limiter les risques. Et forcer un peu Vigo à canaliser un peu son tempérament en lui imposant une histoire qui, a priori, ne doit pas faire vaciller l'ordre bourgeois sur ses fondements. Il était forcément un petit peu inquiet. Il voulait qu'il n'y ait pas d'argent perdu. Il disait, on sentait qu'il était... Et puis alors, il avait un tout petit peu peur à cause du côté subversif de Vigo et du côté subversif de Zéro de Conduite. Il avait un petit peu peur que Vigo fasse des choses qui fassent que le film ne soit encore censuré. Alors j'ai une petite anecdote que j'ai déjà racontée, mais je me rappelle que quand vous voyez dans La Talente le moment où on voit le pauvre type qui a l'air de mourir de faim et qui vole le sac pont, alors ensuite il est passé à tabac. Alors alors il s'était arrangé, je sais pas comment il l'appelait, il s'était arrangé où il savait que Nunez ne devait pas venir ce soir-là. Parce qu'il aurait eu peur que Nunez ne soit pas content et l'empêche de faire ça. Et alors c'était marrant parce qu'on guettait un petit peu si Nunez n'arrivait pas. Il faisait quand même pas complètement partie de la famille. Non, forcément. Qu'est-ce que vous voulez ? Il avait la responsabilité de. Il avait envie que ça marche. Et il avait apporté un scénario tout à fait anodin. Et il avait accepté que Vigo le remanie complètement. Puis ce qui se passe, c'est que Vigo y met plein de choses de lui-même. C'est vrai, c'est-à-dire que ça devient un poème, ça devient un poème de la révolte. Mmh. Aussi, ça remet une autre forme. Je crois que ça représente, dans l'œuvre de Vigo, dans son itinéraire personnel, et pas seulement artistique, c'est une étape supplémentaire, c'est une étape nouvelle. Et il me semble que c'est, comme d'ailleurs... Si on repense au contenu de Zéro de Conduite, comme cela paraît tout à fait logique, c'est le passage de l'état d'enfance à l'âge adulte, tout simplement. Donc c'est l'adulte Vigo qui s'exprime à travers la Talente, avec la même liberté, la même fraîcheur, les mêmes convictions que dans Zéro de Conduite, mais avec cette différence que ce n'est plus à partir d'une histoire qui lui est arrivé, comme dans Zéro de Conduite, mais à partir d'une histoire qui lui vient de l'extérieur et qu'on lui a, non pas imposé, mais enfin qu'on lui a proposé de l'extérieur. La Talente. Production Jacques-Louis Nunez. Scénario et dialogue Jean Vigo et Albert Riera. Réalisation Jean Vigo. Chanson Charles Goldblatt. Image Boris Kaufmann. Musique Maurice Jaubert. Tournage du 10 novembre 1933 à la fin de janvier 1934 à Conflans-Sainte-Honorine, sur le canal de l'Ourcq et sur le bassin de la Villette. Première présentation le 24 avril 1934. Allons la mère, allons! Vous plaignez pas, elle est tombée sur un bon gars. Et puis, elle reviendra bien un jour. Comment ça? Oh, je pense qu'elle n'avait jamais quitté le village. Le film raconte la vie à bord de la péniche L'Atalante, sur laquelle ont pris place le marinier Jean, Jean Basté, sa jeune épouse Juliette, Dita Parlot, le père Jules, Michel Simon, et un mousse, Jean Lefebvre. Oh, vous alors ? Alors, on les accompagne jusqu'à la péniche ? Quelle balade, un type qu'on connaît même pas ? Quelle mariée ! Qu'est-ce que tu dis à la belle ? Le marinier Jean, Jean Basté. Toute l'histoire de la cabine des chats de... Du père Jules, oui, tout de la carte mancienne, tout a été inventé comme ça. Et Vigo l'a prise et puis l'a complètement lui a donné la vie. Mais moi, il peut pas dire il me laissait faire. Je peux pas dire qu'il me faisait qu'il m'expliquait tu dois être comme ça ou comme ça ou comme ça. Et on en parlait, puis il me disait pas. Il voyait que je sentais, le personnage, je le sentais très bien. Et il n'avait pas à m'expliquer. Puis, vous savez, on ne faut pas trop expliquer. Et vos rapports avec Michel Simon sur le tournage de L'Atalante ? Il y avait une complicité naturelle entre vous ? Ou bien vous étiez quand même deux comédiens ? Michel Simon est un prodigieux comédien. Et d'ailleurs, je voudrais dire, entre parenthèses, que certes, qu'il a été écrit ou dit ou publié ou qu'il a dit que c'était lui qui avait alimenté et composé son personnage. Il a naturellement apporté son génie de comédien à Vigo. Mais toutes les inventions du père Jules, c'est Vigo qui les a trouvées. Naturellement, sans doute que Michel Simon en a trouvé quelques-unes, mais c'est lui, c'est Vigo. C'est la réussite du père Jules, c'est Vigo et Michel Simon. Maintenant, mes rapports avec Michel Simon, c'était un être assez silencieux en dehors du jeu. On se disait bonjour, mais je peux pas dire qu'on a eu beaucoup de rapports. Je le regrette. Vous ne vous êtes jamais retrouvé, ni sur une scène, non, ni dans un film. Non. Mais il faut dire que moi, bon, pendant la guerre, oui, puis après la guerre, je suis parti à Saint-Étienne. Mais je l'ai revu une ou deux fois, comme ça. Mais je ne peux pas dire que j'ai eu des rapports d'amitié avec... je l'admirais beaucoup comme comédien. Ben oui, c'est pas grave, ça. Qu'est-ce que tu fais quand j'arrive ? Je vais vers la patronne et j'ai des... Qu'est-ce que tu dis ? J'ai des heureux avis à bord de l'Atalante. Bon, ça va. T'as les fleurs ? Sont dans le seau. Et tu vas lui mettre un autre papier autour. Comme un lourd va lui tomber sur la robe. Et les voilà. Pendant le tournage de L'Atalante, est-ce que vous avez bien connu Michel Simon ? Ah oui, j'ai même connu, j'ai tourné avec lui aussi comme acteur, avec Michel Simon. Oui, je l'ai très bien connu. Oui. Ce personnage du père Jules, il n'était pas du tout dans le roman ? Non. Duquel est parti je crois Vigo pas. Pour non, son, je pour ne son crois scénario ? Pas. Je ne crois pas, oui. Il est merveilleux, Michel, dans le père Jules. Oui. Il aimait bien Vigo, il l'aimait beaucoup, hein. Il a vraiment tourné parce qu'il lui a plu, hein, parce qu'il avait refusé plusieurs films. Et puis il a accepté de tourner, je crois qu'il avait fait des conditions. C'était pas encore la grosse vedette, mais c'était quand même déjà un monsieur important. Enfin. Vous avez l'impression qu'ils étaient un petit peu de la même famille d'esprit ? Vous savez, Michel était un vieil anarchique, si on peut dire. Anarchiste, pardon. Je voulais dire d'une famille anarchique. Mais oui, bien sûr. Mais ils s'entendaient bien. Enfin, et puis il était très... Michel Simon, comme beaucoup... Moi, j'ai connu beaucoup d'acteurs, vous savez, dans ma vie. Mais je trouve que les acteurs qui avaient vraiment quelque chose dans le ventre étaient des gens d'une grande, grande conscience professionnelle. Et il avait ça, Michel. Dita Parlot. Charlie, pas, patronne. Ah, ça va, père Jules. Oh, ben. Et puisque vous êtes si fort, passez dans cette jupe. Hein ? Passez cette jupe ? Mais oui, Vous allez me servir de mannequin pour l'arrondi. Pour l'arrondi? Hein? Pour l'arrondi, alors? Ça me va? Hein? Comment ça se met, ta affaire? Allez, ça suffit. Restez tranquille. Je l'ai revu après la guerre, dit à Parlot. Et dans le train qui faisait le train de la banlieue, de la gare de l'Est, ici, avant que j'ai ma voiture. Et elle m'a reconnu, du reste, et on a parlé un petit peu. Elle m'a dit qu'elle avait eu des difficultés pendant la guerre. Je crois qu'elle a travaillé pour l'intelligence service française, il me semble. Je crois. Quelque chose comme ça, oui. Oui, oui. Sur le tournage, ça, je suis allé les voir tourner à Conflans-Sainte-Honorine, sur les quais, au studio, le bal, je me souviens du bal, et puis les scènes de Gilles Margaritis, parce que je lui avais fait la chanson aussi. J'ai connu Maurice Jaubert, là, leur rencontre a été importante, parce que j'ai fait plusieurs chansons avec Maurice Jaubert. Alors, j'ai fait deux chansons pour La Talente. Enfin, vous connaissez alors, toute histoire. La chanson du Camelot. Oui. Madame, j'ai quitté Paris. Oh, mais vous êtes jolie. Pour vous épiler vos soucis. Mais vous aussi, vous êtes jolie. La campagne, c'est bien loin de la vie. Là, c'est particulièrement vous, vous êtes jolie. Ça sent si bon la naphtaline. Oh, mon amour de quatre sous. Je vends des peignes pour l'époux et des dentelles pour l'épouse. Des cartes postales bleues et roses. Regardez ce que je vends, on ne fait jamais rien pour la vue. J'ai des baleines, des éléphants, des châteaux-neiges pour vos enfants. C'est moi le camelot de la rue. Et la chanson des mariniers, qu'ils écoutent avec les écouteurs, oui. Puis qui était dans le générique. Je crois qu'elle était dans le générique à l'origine. Après, on avait mis le chaland qui passe. Est-ce qu'il y avait ce côté, alors aussi bien sur Zéro de conduite que sur La Talente, est-ce qu'il y avait quand même, bon, il y avait le travail d'un côté, on l'a dit, c'est tout à fait clair et bon, et astreignant, naturellement astreignant, mais est-ce qu'il y avait un côté vacances dans avec le jeu... Vigo, le fait de se retrouver dans un film, pour un film de Vigo, est-ce qu'il y avait quand même un petit peu une idée de jeu, dont vous avez déjà parlé, oui. De vacances? Oui, bah écoutez, moi ça rejoint ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que moi j'ai le souvenir de, pendant cette période, vous savez, j'ai toujours dit, j'ai toujours senti, moi, que si j'étais comédien, c'est parce que je voulais prolonger, retrouver ma joie d'enfance, où je jouais tout le temps, je me déguisais, etc. Bon, eh bien, avec Vigo... J'ai retrouvé ça avec Vigo, c'était aussi une joie d'enfance que je retrouvais. Et lui aussi, mais il avait du génie. C'était un enfant. Il avait à la fois l'invention, le besoin de jeu et de farce et la violence des enfants. Ben, vacances, je sais pas, vous savez. C'est pas une chose qui est très courante sur les tournages de films. Ah ben non. De pouvoir dire, ben. Ah ben non, mais il faut dire que maintenant, vous comprenez, quand on tourne un film, ben y a, même à la télé, il y a 30 personnes qui sont là, qui sont utiles, et mais lui, avec lui, nous étions 7 ou 8, ou 10, mais pas plus. Puis en fait, tous les gens qui l'entouraient sur ces tournages étaient des amis. Mais oui. Donc il n'avait pas affaire à des étrangers. C'est ça, c'était des amis. Il y avait déjà... Kaufmann était un ami. L'assistante Kaufmann était un ami. Il y avait Pierre Merle qui était là, qui était un ami. C'était là. Et puis alors, les gens qui venaient figurer, en particulier au début à la noce, c'était des amis, des amis de son père, etc. Je ne me rappelle plus le nom. On peut dire qu'il y avait une bande à Vigo. Bon, je sais pas, c'est un peu trop, ça fixe trop. Non, il y avait Vigo et puis il y avait ses copains là, puis il y avait des amis qui l'aimaient, il y avait qu'il appelait sa marraine, mais qui n'était pas marraine selon la religion, qu'il appelait sa marraine. Il y avait ses amis, il y avait des amis de son père, il y avait des anarchistes certains, ils étaient. Et alors, voilà. Il est probable que le cinéma a aussi attiré Jean Vigo en raison du travail collectif et presque manuel qu'il suppose. La création littéraire est un acte solitaire qui n'était certes pas étranger à son tempérament. Mais sans doute était-il précisément assez rassasié de solitude pour souhaiter en sortir, et ne plus être abandonné à lui-même pour affronter l'œuvre à accomplir. Travailler en équipe, avec des amis et des compagnons choisis, pour mener à bien un ouvrage conçu par lui, mais dont l'exécution serait une tâche commune. Avoir à dominer non plus seulement le vide de la page blanche, mais un matériau réel, solide, identifiable. Homme, appareil, pellicule, décor, dont les éléments assemblés composeraient peu à peu un objet, artistique ou non, digne ou non d'intérêt, mais qui aurait en tout cas cette sorte de matérialité rassurante à laquelle le seul acte d'écrire ne saurait prétendre atteindre. Alors, à travers tous les témoignages qu'on possède des gens qui étaient ses proches, de son entourage, pendant qu'il travaillait, pendant qu'il faisait ses films, on a l'impression, on a le portrait d'un homme complètement extraordinaire, rayonnant. Oui, complètement. C'est ce qui apparaît, c'est ce qui m'a beaucoup frappé dans les contacts, en particulier dans les contacts que j'ai eus avec ses amis ou avec les gens qui avaient travailler avec lui, ce qui était d'ailleurs souvent synonyme, parce que j'ai l'impression qu'on ne pouvait pas le connaître et travailler avec lui sans devenir son ami. Je le savais, si vous voulez, puisque bon, avant d'écrire mon livre en 67, donc la première fois, j'avais lu ce qu'on avait écrit sur lui et tout cela transparaissait déjà, mais je l'ai constaté personnellement et je ne m'attendais pas à ça, à ce point-là. C'était vraiment une, comme on pourrait dire aujourd'hui, un charisme extraordinaire qui émanait de lui sur le plan humain et sur le plan artistique, qui est tout à fait extraordinaire. Et ça, je crois que c'est un des éléments importants du rayonnement qu'il garde aujourd'hui. Et je veux dire que ce ne sont pas seulement ses films qui sont éblouissants, malgré, comme je l'ai dit, leurs imperfections. Mais je crois qu'on ne peut pas les voir, pour peu qu'on sache qui était Vigo, justement, sans voir en même temps, à travers ses films et à travers leurs images, l'homme qu'il était. Je me rappelle, on l'avait présenté, quand on présentait ce qu'on appelle les roches, oui, les roches, ruches. Les roches. On avait présenté les roches le jour de la Calante. Et alors, on présente ça, et puis il y avait tous ces messieurs de Gaumont, les messieurs importants de Gaumont, et alors, il y a un grand silence, et alors, Bigot, pour les mettre à l'aise, dit « Moi, je trouve ça très mauvais. » Alors, les autres étaient obligés de dire « Mais non, mais non. » Mais c'était le jeu de Bigot, ça. Le chaland glisse sans trêve sur l'eau de satin. Où s'en va-t-il, vers quel rêve, vers quel incertain du destin? Alors, ce film-là, bon, il sera distribué dans les salles en 1934. Il sera distribué, oui. Mais pas comme Vigo l'aurait souhaité. Absolument pas, puisqu'il sera en effet distribué, mais il sera distribué sous un titre qui n'est pas le sien, qui n'est pas celui que Vigo a voulu, parce qu'après les fameuses présentations corporatives qui ont été faites pour ce film-là aussi, bien sûr, la réaction, pas tellement de la presse, mais des exploitants de salles, a amené le distributeur, en l'occurrence la maison Gaumont de l'époque, à chercher à l'améliorer, entre guillemets, à sa façon, car les réactions des exploitants ont été assez mauvaises, assez négatives. Alors ils ont eu l'idée d'incorporer dans ce film et dans la musique de ce film une chanson qui était en vogue à ce moment-là, qui était le chaland qui passe, et du même coup de débaptiser le film et de l'appeler le chaland qui passe et non plus la Talente. Est-ce qu'il y a eu aussi un tripatouillage au niveau du montage qui aurait échappé à Vigo? Oui, enfin tripatouillage, c'est peut-être beaucoup dire. Il y a eu des modifications au niveau du montage, pas vraiment à l'insu de Vigo, mais Vigo était à ce moment-là malade. Il était alité et il n'a pas pu suivre les choses de très près. Donc, on l'en informait, bien entendu. Il y avait des intermédiaires, ou simplement des techniciens du film, et notamment Louis Chavance, qui était le monteur du film, qui assurait la liaison, bien sûr. Et je dois dire que sur ce point, les témoignages que j'ai pu avoir ne sont pas unanimes. Puisque bon, certains des amis de Vigo ont affirmé que Vigo était farouchement opposé aux modifications qui ont été demandées, alors que d'autres affirment qu'il les a finalement acceptées. Bon, je pense qu'il y a un peu de vrai dans tout ça, c'est-à-dire que probablement il était très hostile au départ, mais qu'il s'est laissé convaincre que c'était pour le bien du film. Alors, est-ce que ça a été pour le bien du film quant à l'accueil public? Absolument pas, puisque le film n'a pas marché du tout, même avec son titre de Chaland qui passe, et qu'il a été retiré de l'affiche très rapidement. Et il est resté, lui aussi, inconnu du public pendant assez longtemps, moins longtemps que Zéro de conduite, puisqu'il a, lui, n'avait pas été interdit, en tout cas. Il est sorti sa vraie sortie est en 1940 où on l'a découvert vraiment. Il faut souligner à quel point le monde des deux films essentiels de Jean Vigo est un monde clos. Ni le collège de Zéro de conduite, ni la péniche de la Talente n'ont de véritables attaches avec l'extérieur. Et les contacts qu'ils ont avec lui ressemblent à ceux de personnages interstellaires, un instant débarqués d'un vaisseau spatial qu'ils regagnent bien vite. C'est bien sûr que chacun d'eux est un microcosme qui se suffit à lui-même. Pourtant, le monde extérieur n'y est pas inexistant. Et s'il y apparaît peu, il n'en est pas moins clair que la grande affaire, pour les personnages des deux films, est de se définir par rapport à lui et, si possible, d'y trouver leur chemin. La Talente, par tout ce qu'il nous a montré, sinon par sa conclusion provisoire, appelle en effet une suite, qui aurait été comme le troisième volet d'un triptyque, dont on peut imaginer qu'il se serait achevé sur une note moins pessimiste, sur une plus grande ouverture au monde. Visiblement, ces deux films sont l'œuvre d'un cinéaste marqué par la réclusion et dont le problème fut tout autant de s'adapter au monde que de s'en libérer. Au même titre qu'il nous amène simultanément à mettre en cause le réel et à y adhérer. Zéro de conduite et la Talente illustrent ainsi sans le résoudre un débat fondamental entre l'amour du monde et sa contestation, la révolte et la contemplation, le goût de vivre et la crainte de vivre, l'individuel et le collectif, le fermé et l'ouvert. Ce débat qui fut si profondément celui de Jean Vigo que ses films n'ont pas pu ne pas en témoigner, il est aussi le nôtre. Il est même pour nous la question principale, et c'est en quoi ces œuvres de 50 ans d'âge nous concernent toujours. C'est en quoi aussi elles nous paraissent avoir devancé ces films de la difficulté d'être qui, de Bergman à Antonioni, ont incarné à nos yeux le cinéma moderne. Thank you. Donc voilà deux exemples, et ça c'est tout à fait surprenant, chez un même cinéaste, de deux films qui n'ont pas rencontré leur public quand ils ont été faits, quand ils ont été présentés pour la première fois, et qui sont devenus, par la suite des ans, des classiques. Incontournable, des films de référence, oui. Pierre Lherminier. Des films qu'on peut mettre très haut, qu'on ne peut pas, qui n'ont probablement pas de vraie descendance. Hein. On ne peut pas dire qu'ils aient eu une influence directe, visible. Oui, parce que moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une postérité de Vigo. Il y a une postérité de Vigo, c'est certain, mais c'est une postérité au second degré. Il n'y a pas eu de on ne peut pas situer de manière précise des films particulier dans la lignée de Vigo. Je crois que tout simplement ils étaient suffisamment remarquables, suffisamment exemplaires, même dans leur caractère inachevé et imparfait, pour qu'il ne vienne à l'idée de personne de les imiter ou d'y voir une voie quelconque à suivre. Par contre, bon, il est certain que Vigo a eu une influence à travers les démarches des jeunes cinéastes en général depuis. Vous pensez à qui en particulier ? Ben, je pense à personne de manière très précise. Enfin, je pourrais dire qu'on retrouve peut-être quelque chose de Vigo à travers notamment les premiers films de Truffaut, Les 400 coups. Les 400 coups, là, il y a une citation en plus, délibérée. Oui. Moi, j'y vois une filiation, alors. Oui. Oui, mais la suite évidente de l'œuvre de Truffaut pourrait faire penser que, bon, qu'en fait, c'était une rencontre occasionnelle. Oui. Je n'ai pas. Ce qui est certain, c'est que Truffaut, chaque fois que j'ai tourné avec lui, il m'aborde en disant « Longue vie à bord de la Talente ». Il est obsédé par Vigo et par... je sais, alors ça, que ça a influencé, souvent c'est difficile à dire, les influences c'est souvent profonde, c'est quelque chose de mystérieux l'influence au fond. Mais je crois en effet, puisqu'il aime tellement Vigo qu'il y a eu de l'influence. François Truffaut, Les films de ma vie, 1970, extrait. Quel était le secret de Jean Vigo ? Il est probable qu'il vivait plus intensément que la moyenne des gens. Le travail de cinéma est ingrat par son morcellement. On enregistre 5 à 15 secondes de film, puis on s'arrête pendant une heure. On ne trouve guère sur un plateau de cinéma l'opportunité de s'échauffer qui saisit devant sa table de travail un écrivain comme Henri Miller. À la 20e page, une espèce de fièvre le prend, l'emporte, et ça devient formidable, sublime peut-être. Il semble que Vigo travaillait continuellement dans cet état de transe et sans jamais rien perdre de sa lucidité. On sait qu'il était déjà malade en tournant ces deux films, et même qu'il a dirigé certaines séquences de Zéro de conduite allongées sur un lit de camp. Alors l'idée s'impose naturellement d'une sorte d'état de fièvre dans lequel il se trouvait en tournant. C'est très possible et très plausible. Il est exact qu'on peut être effectivement plus brillant, plus fort, plus intense lorsqu'on a de la température. À l'un de ses amis qui lui conseillait de se ménager, de s'économiser, Vigo répondit qu'il sentait que le temps lui manquerait et qu'il devait tout donner, tout de suite. C'est pourquoi il semble bien que Jean Vigo, se sachant condamné, aurait été stimulé par cette échéance, par ce temps compté. Derrière la caméra, il devait se trouver dans l'état d'esprit dont parle Ingmar Bergman. Il faut tourner chaque film comme si c'était le dernier. Pendant le tournage de La Talente, est-ce que Vigo vous semblait déjà quelqu'un de malade ? Ah oui. Oui, oui, à la fin, il avait même pris un moment, un très gros rhume, vous savez, il a fait presque une bronchite. Oui, oui, il avait été malade, surtout à la fin du tournage. Parce qu'il y avait des tournages en extérieur, et il y a eu une période de mauvais temps à l'époque. Oui. C'était dur, la Talente, parce qu'on était dans le froid, on attendait. Et puis c'est pas comme maintenant où on retrouve toujours une lumière en mettant des projecteurs, etc. Là, c'était pas ça, on attendait le soleil. On regardait le soleil, alors quelquefois, c'était dur. Mais on peut pas dire qu'il avait toujours sa bonne humeur, toujours. Alors, ce qu'il sentait intérieurement, profondément, je sais pas. Vous vous souvenez? Mais il le disait pas, en tout cas. Il s'arrêtait pas, il le disait pas. Pendant l'été 1934, après le tournage de l'Atalante, l'état de santé de Vigo s'est aggravé. Il est atteint d'une septicémie à streptocoque, maladie aujourd'hui assez aisément dominée, mais devant laquelle alors la médecine était impuissante. Le 5 octobre, à 21h, Vigo s'éteint après de grandes souffrances. Ses obsèques ont lieu 3 jours plus tard, au cimetière de Bayeux, où repose son père. Est-ce que vous avez eu connaissance, alors après, entre ces deux longs métrages ou après, ou juste après, est-ce qu'il y a eu d'autres projets un peu élaborés? Parce que quand on regarde les livres sur Vigo, on parle de, il avait énormément de projets. J'ai relevé, il y a au moins 35 titres différents. Oui, bien sûr. D'après les romans de l'époque, etc. Est-ce qu'il y en a eu quand même? Je crois que L'évadé du bagne, qui s'appelait Le bagne, là je crois qu'il a travaillé dessus. Ça doit y avoir des textes. Clown par amour, il y a aussi un projet qui a été un peu élaboré. C'était avec le clown Baby. Oui, mais il avait envie de grands sujets. Moi, je me rappelle, il me disait, tiens, si on me donnait à tourner l'incendie du Reichstag, tu verrais. Il avait envie de grands sujets, oui. Il vous avait parlé d'autres projets? Oui, il m'avait parlé, il devait tourner. Justement, ça prouve qu'il ne devait pas se sentir malade, puisque vous me demandez ça. Mais il me devait tourner un film avec Sandras. Ce qui devait se passer, c'était une chose de contrebandier qui devait passer sur les Pyrénées. Et je devais jouer, il m'avait dit, il faut que tu apprennes à jouer à la plotte. Quelques projets de films. Le tennis, scénario de Jean Vigo et Albert Riera. La Camargue, scénario de Jean Vigo et Albert Riera. Évadé du bagne, scénario de Jean Vigo et Eugène Dieudonné. Clown par amour, scénario d'après un roman de Georges de la Fouchardière. Contrebandier, scénario de Blaise Sandrard. L'honnête homme, scénario de Jacques-Louis Nounez. L'affaire Saint-Fiacre, projet d'adaptation du roman de Georges Simenon. Le cœur volé, scénario de Philippe Soupeau. Est-ce qu'on peut imaginer ce qu'aurait pu être la carrière de Jean Vigo s'il n'était pas mort si jeune? On peut imaginer, on peut toujours imaginer. C'est évidemment très, très difficile et finalement nous n'en avons pas le droit. Parce qu'il y a les, bon, bien évidemment, mais je veux dire, il y a en gros les cinéastes qui restent fidèles aux aspirations de leur jeunesse, de leur premier film, et puis il y a ceux qui prennent des voix qui nous semblent parfois un peu étranges. Ce qu'on sait de l'homme Vigo, une espèce d'intransigeance, on peut penser, on peut imaginer. On ne peut pas le voir autrement que comme ça, justement. Mais nous avons tout de même des éléments d'information qui nous permettent d'en avoir une idée, puisque il avait énormément de projets, et il avait lui-même écrit d'autres scénarios, et surtout il avait, je dis surtout parce que les scénarios qu'il avait rédigés étaient en général assez courts, et aurait abouti beaucoup plus à des courts-métrages dans le style d'À propos de Nice, par exemple, qu'à des films de long-métrage. Mais en revanche, il s'était intéressé à un certain nombre de projets de films que parfois il avait lui-même sollicité auprès d'auteurs qui étaient proches de lui, qui étaient ses amis, ou que tout simplement avec qui il a pris contact parce qu'il aimait leur œuvre et qu'il aurait souhaité travailler avec eux. Je pense par exemple à Blaise Sandrard. Donc il y a eu une bonne douzaine de projets qui n'étaient évidemment pas très avancés. Vigo n'a pas eu le temps, mais enfin, il avait de multiples idées, il bouillonnait de projets. Et on peut à travers ça avoir une idée de ce que Vigo avait envie de faire dans les années proches, en tout cas. Ça évidemment ne permet pas de préjuger ce qu'aurait été la suite de sa carrière. Jean Dasté. Vraiment, mais vous savez, bon, moi je l'ai connu. Je l'ai connu. Il avait été au sanatorium pendant longtemps. C'est là où il avait connu sa femme, je crois, oui, au sanatorium. Oui, oui, oui. Il avait été au sanatorium longtemps, et puis, bon, il était plus ou moins rétabli. Il avait fait ce film, Zéro de conduite, puis il a tourné Zéro de conduite, et puis, au fond, la Talente, c'est venu assez vite après. Vous comprenez ? Alors, on a continué à se voir, il est peut-être parti en vacances, et puis tout de suite après, ça a été la Talente, et puis après, il est mort. Alors, je veux dire qu'on n'a pas... j'ai pas pu... C'était pas du tout un type du tout qui avait l'esprit fréquentation parisienne, mais pas du tout. Il se foutait assez de tout le bluff. Il se foutait de tout le bluff. Même du bluff du cinéma, il y en a aussi. Un chaland passe. À bord de la Talente, le moteur cogne à l'unisson des cœurs mal accordés. Mais au crépuscule, un trop-plein d'amour s'échappe et monte vers le ciel. Jean Vigo est un auteur de films. Et c'est le cinéma qui donne à sa vie son équilibre définitif. C'est le cinéma qui l'accomplit. Enfance, amour, malheur, chance, tout concourt à alimenter ce besoin impérieux qu'il a très tôt et qui ne cessera de le requérir de faire des films. Cela ne veut pas dire que les événements de sa vie ne sont pour lui que les matériaux d'une œuvre, mais qu'au contraire, le cinéma lui est nécessaire pour mieux vivre. Pour lui, sans doute, l'œil ton de la caméra est l'œil magique qu'il faut à son regard pour voir clair en lui-même et dans l'univers qui l'entoure. Qui, d'ailleurs, serait cinéaste sans cela ? Secret de Jean Vigo, une émission de Michel Bouju. Avec Jean Dasté, Charles Goldblatt et Pierre Lherminier. Texte lu par Jacqueline Taous et Frédéric Cantrel. Les films de ma vie de François Truffaut, édition Flammarion. Jean Vigo de Pierre Lherminier, dont une nouvelle édition vient juste de paraître chez Pierre Lherminier. Extrait des films de Vigo, Zéro de conduite et La Talente. Musique des films de Vigo par Maurice Jaubert, reprise pour Histoire d'Adèle H. de François Truffaut et Lettres de guerre de Pierre Beuchaud. Direction Patrice Mestral. Prise de son Jean-Louis Boissonnade, Pierre Guérineau, Gilles Pézra. Assistante de réalisation Michel Prudon, Claude Giovanetti. Vigo disait aussi « L'œil de l'homme, dans l'état actuel de la science, n'est guère plus sensible que son cœur. Cette constatation serait déprimante si nous n'avions quelque raison d'espérer encore en la pellicule cinématographique. » Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 octobre 1984.